à la frappe ou à la Zion. Des caméléons, des mecs façon fâché fashion. Ils ont un taf légal et arrondissent leur fin de mois. Tu sais, c'est la crise, y'a plus de règles dans leur loi. Des grévistes, les noms en bas de leur liste. Des récidivistes vivent souvent différents périples sur le périph. Pour très peu d'oseilles, ils s'excitent. Dès qu'il y a des fous max, ils sont au max comme dirait Diff. Toujours un biberon avant de sortir chez eux. Tout le temps loin de la famille, même si dehors y'a talqueux. À la base y'a ce bon baisser les tards au niveau meuf. Pas de mal au cerveau avec les 18-19. Y'a les spécialistes des femmes rondes, ceux qui se butent avec le morceau. 100 degrés à l'ombre, les pires crapules, même s'ils ont une vraie religion. Des gens qui vivent normalement avec leurs contradictions. Des mères de famille qui ne partent pas en vrille. Tous nous faisons soit partie du problème, soit de la solution. Ceux qui n'assument pas leur faute et qui se noient même en marée basse. Ceux d'en bas qui gardent la tête haute, jamais la tête basse. Ils savent qu'au chromi y'a pas de crari. Ça touche direct au crâne, c'est une technique de la rie. Des Hauts-de-Seine en Seine-et-Marne, ça vient de la banlieue de Paris. Des diplômés au chômage, la base harakiri. De retour à la base, de balle à la base. Depuis toujours la rage, tourne page après page. Notre histoire, notre art, notre famille, notre bien, notre gloire. De retour à la base, de balle à la base. Depuis toujours la rage, tourne page après page. Notre histoire, notre art, notre famille, notre bien, notre gloire. À la base, une pensée, un papier, un bic. Une pincée de vie de kleps, un quotidien plein de keufs, de clics. Plus ou moins éméché face à des juges plus ou moins stricts. Bien que les sceptiques doutent, on pose toujours nos tripes. De BAL dans le chargeur, tu connais la suite. Seuls les écrits restent, bien qu'à la base les choses soient dites. Mon père, ma mère, c'est ma base. Devenu père à la base, on a tous été gosses à la base. Pas de scène sans public, car c'est mon sang, un activissant. C'est qui boit seul couler son sang. L'investissement est total, la fusion se ressent. L'aficionado, c'est la foi résidente. Que tu te sens, roots and culture. Comment ne pas penser à tant d'être touché par un vécu partagé. C'est ensemble qu'on se construit, nul n'évolue seul. C'est pour ces gens qu'on se produit, qu'on prenne ce qu'ils le veulent. À notre blase, ajoute une autre classe, une autre street, une identité appuyée d'une base et d'un beat. On désire pas la barre à la base, les aléas, tu sais, les environs aussi font que l'on fait les bons choix ou pas. Quoi qu'il en soit, on reste les mêmes. On aime le rap et ils nous aiment. On sait d'où l'on vient, tu le sais aussi. Chacun n'a qu'un chemin à savoir qui il suit. De retour à la base, de balle à la base. Depuis toujours la rage, tourne page après page. Notre histoire,